Chapitre 41. 10 heures sonnaient lorsque Démiane, qui n'avait pas encore appris le grand art de n'être pas tout à fait exact, sans pour cela se faire trop attendre, franchit les marches du perron de la villa Redine. L'antichambre était déserte, le salon aussi. Il fit quelques pas d'un air désœuvré, puis s'assit dans un fauteuil avec un peu d'impatience. Jamais il n'avait reçu semblable accueil. La princesse était toujours là. L'antichambre était pleine de domestiques. Ce matin, la maison semblait morte. Au bout d'un instant, une femme de chambre fit son apparition. « La princesse est un peu souffrante. Elle vous prie de faire de la musique dans son boudoir. » Démiane prit sa boîte à violon et suivit la camériste à travers une enfilade de pièces diversement décorées et qu'il ne connaissait pas. Par une fenêtre donnant sur le jardin, il vit disparaître au loin la chaise roulante du prince qui allait chercher l'ombre et la fraîcheur dans les replis de la vallée. Enfin, une dernière porte se présenta. La camériste frappa 2 petits coups et passa la première, suivie de Démiane, qui s'arrêta sur le seuil. « Fermez donc la porte, » dit en souriant la princesse. « Vous faites un courant d'air. » Il obéit machinalement. La camériste avait disparu on ne sait par où, et il était seul avec Cléopâtre, dans une pièce assez vaste, haute de plafond, tendu de soie brochée du Caucase, aux reflets changeants et harmonieux. Quelques dorures çà et là, une belle glace de Venise en cristal taillé, un piano droit, des meubles bas, variés de formes, composaient l'ameublement. Partout des vases, et dans ces vases, d'énormes bouquets de roses fraîchement coupés, qui répandaient l'odeur particulière à ces fleurs quand on vient de les cueillir, odeur qui change bientôt, et devient aussi fatigante qu'elle est douce durant la première heure. Cléopâtre, à demi couché sur sa chaise longue, entourée de dentelles flottantes, vêtue de flots neigeux de mousseline, les bras nus, le cou à demi voilé, paraissait accablé par la chaleur et la fatigue. Cependant, il faisait frais dans le boudoir. Il ne devait pas être incommodé par toutes ces mousselines. Elle leva les yeux sur Démiane, très troublée. « Je ne suis pas malade. » dit-elle, répondant à son regard. « Mais je suis lasse d'être toujours sous les armes. Vous ne m'en voudrez pas de vous recevoir en négligé, en ami. Asseyez-vous donc. » Il s'assit un peu loin et resta fort embarrassé de sa personne. Cette aménité, la familiarité aimable de cette réception le laissait interdit. Elle tranchait singulièrement avec la manière dont il était accueilli jadis. Cependant, il avait quelque chose à dire, que sa nature droite et honnête ne pouvait contenir plus longtemps, et il parla. « Je vous dois beaucoup, princesse, » dit-il. « Vous m'avez encouragée, guidée, protégée. La journée d'hier marquera dans ma vie. C'est à vous que je le dois. Permettez-moi de vous en exprimer ma reconnaissance. » Cléopâtre sourit. « Enfant, » dit-elle, « grand enfant, on vous amuse avec un hochet. « Un peu de vanité satisfaite, n'est-ce pas là un beau titre de la reconnaissance ?» Il voulait répondre, elle l'arrêta du geste. « Non, » reprit-elle, « parlons d'autre chose. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous êtes au mieux avec mademoiselle Hélène ?»« Moi ?» s'écria Démiane en se levant et avec la véhémence la plus sincère. « Je ne sais seulement pas de quelle couleur sont ses yeux. »« Elle sait fort bien de quelle couleur sont les vôtres, » répliqua la princesse en souriant. Si, comme vous paraissez désireux de me le faire croire, vous n'êtes pas d'accord. » Elle arrêta un mouvement de la main, la défense passionnée que Démiane avait sur les lèvres. Vous ne devriez pas la laisser vous afficher ainsi ouvertement. Je comprends que dans l'intimité, vous n'attachez pas d'importance à des démonstrations qui ne sont après tout que des enfantillages. Mais en public, vous devriez lui conseiller un peu de prudence. La petite Hélène, fit Démiane, trahissant ainsi son dédain pour la pauvre enfant. « Elle m'affiche ? Pardon, princesse, je ne comprends pas. »« Vous n'allez pas prétendre, » répondit la princesse avec une joie maligne dans le regard, « que vous ignorez que elle vous aime. »« Elle-même, qui ? La petite Hélène ?»« C'est assez visible pour que je révoque en doute la bonne foi de votre étonnement. » répondit la princesse, enchantée de son succès. « C'est une sotte !» s'écria Démiane, partagé entre la satisfaction d'amour-propre que cause l'idée de se savoir aimé, et la mortification d'avoir à offrir en sacrifice à sa déité aussi peu de choses que l'amour de la petite Hélène. Mais enfin, on offre ce que l'on a, et c'est déjà bien gentil. « Pas si sotte !» fit la princesse avec un sourire si énigmatique, un regard si doux, que Demian, soudain devenu très vaillant, quitta sa chaise et vint s'asseoir sur un pouf au pied de la chaise longue. On ne s'imaginera jamais l'aplomb qu'il avait pris en se sachant aimé de la pauvre petite pianiste. Elle a su découvrir vos mérites. C'est une preuve d'intelligence. Alors vous ne l'aimez pas ? Jamais de la vie ! S'écria l'artiste avec conviction. C'est dommage. Pourquoi ? Parce que cela pose un homme de faire des victimes. Oh ! Fit Demian d'un air dédaigneux destiné à prouver que la petite Hélène et rien, c'était bien la même chose. Enhardi par l'apparence de la princesse, il ajouta « Vous savez bien que je ne puis aimer personne autour de moi. » « Vous ne m'aviez pas encore fait de confidence ?» dit Cléopâtre d'un air ironique. « Ne plaisantez pas avec moi, » reprit-il, les lèvres tremblantes d'émotion. « Si vous me jetez à la porte ensuite, ce sera mal, princesse, très mal, vous le savez bien. » Elle sourit et le regarda encore. Elle s'était un peu soulevée sur ses coudes et se tenait tout près de lui, ses yeux fixés sur les yeux du jeune homme, comme si elle cherchait à lire une page encore neuve. « Vous êtes un grand enfant, » dit-elle presque tout bas, « un grand artiste, un homme de génie, mais un enfant. Que faut-il vous dire de plus ?» Il s'approchait, fasciné. Elle ferma à demi les yeux et dit plus bas encore « Et c'est pour cela que je vous aime. » À combien d'autres Cléopâtre avait-il dit qu'ils avaient du génie ? C'était sa manière de les convaincre, et cela lui avait toujours réussi.